C'est aux hommes que je dois ce regard un peu dur, cette apparence et ces manières un peu trop sûres. Quand on est tendre, on est malheureux. Pour se défendre, on fait ce qu'on peut. Protège-moi. Protège-moi de tout, j'ai tant besoin de toi, je t'offre ma faiblesse, découvre ma tendresse, elle est infinie, oh infinie. Apprends-moi que l'amour, ce n'est pas un combat, et que je peux laisser mes armes derrière moi. Et apprends-moi par ton air heureux à être moi, à baisser les yeux. Protège.